بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السادس والعشرين 26e leçon toujours ce qui touche aux anges et à l'invisible. Nous parlions la dernière fois sur les djinns et aujourd'hui continue inchallah sur le sujet. قال في السؤال الواحد واربعين بعد المئة 141e question. هل الجن كلهم كفار؟ Est-ce que les djinns sont tous des mécréants? Et ça nous l'avons évoqué auparavant. D'accord? Là منهم المسلم ومنهم الكافر. Il y a parmi eux le musulman et parmi eux le mécréant. والدليل قوله تعالى عن الجن وأن منا المسلمون ومنا قاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Dans le sens où Allah dit, en citant la parole des djinns, où il dit, et parmi nous il y a le musulman et parmi nous il y a le mécréant. Et celui qui s'est soumis à Allah, ceux-là sont ceux qui ont suivi la droiture. Quant aux mécréants, ils seront eux à combustible pour le feu. Surat al-Jin également, versets 14 à 15. Et nous avons cité que même parmi eux, ils sont comme ce qu'on trouve chez les humains. Sauf que le mal chez eux est bien plus fréquent et bien plus grand. Naam. Par contre, on ne trouve pas chez eux de prophètes et de messagers, comme nous l'avons dit, selon le col le plus authentique. Car des ulama, eux, voient que cela est faisable. Et en regardant bien Adillah, en analysant bien les Adillah, on se rend compte que non. Ceux qui sont, les Adillah qui ne sont pas clairs, n'explique pas cela clairement. Donc les djinns, aujourd'hui, alors qu'ils sont des mukallafoun, comme nous, et doivent suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et obéir à Allah azza wa jal à travers le Coran. Donc les chrétiens entre eux sont des koufars comme les chrétiens parmi les humains. Les juifs, pareil, et ainsi de suite. Il n'y a pas de différence par rapport au jugement que Allah azza wa jal a décrété sur le tawhid de l'ibadah. ثم قال في السؤال الثاني وأربعين بعد المئة 42e question ما مصير مؤمن الجن وكافر وكافرهم quelle est la destination des croyants parmi les djinns ainsi que leurs mécréants où est-ce qu'ils vont finir قال مؤمنهم يدخلوا الجنة وكافرهم يدخلوا النار que les croyants entre eux finiront par entrer au paradis et que leurs mécréants eux finiront par brûler dans le feu والعياذ بالله والدليل قوله تعالى وَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا comme nous l'avons dit auparavant. Quant aux mécréants, ils seront combustibles pour le feu. Soit le djinn, verset 15. وَقَالُوا تَعَالَى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ nous avons préparé pour le feu beaucoup parmi les hommes et les djinns. Al-A'raf, verset 179. وَقَالُوا تَعَالَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ et nous avons, pour ceux qui ont craint leur Seigneur, nous avons préparé deux jardin. Donc, lequel de vos destinées de votre Seigneur allez vous démentir? Et là, en français, ça n'apparaît pas, mais dans la sourate, Tukadziban et vous deux, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla s'exprime, tourne son discours vers les humains et vers les djinns. Car il y a un moussanna, là, c'est un duel. En français, on ne peut pas le dire. Mais ce serait à vous deux. Donc, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a promis la chose aux djinns et aux humains. ثم قال في السؤال الثالث وأربعين بعد المئة 143e question. Ma hiya al-hayawanat allati mumkin an tara al-jin? Quels sont les animaux à qui il est possible de voir les djinns? Yani ceux dont on a des preuves. Maintenant, il y a d'autres animaux, on ne sait pas. Là, on parle de ceux dont on a eu des adillahs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Mais ce sont ceux-là sur lesquels il y a eu des adillahs clairs qui sont venus. Qala al-mu'allif wa hafidhahu ta'ala al-hamir wa al-kilab. Les ânes ainsi que les chiens. Wa dalil hadith Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha sami'tum siyah أديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم وابن الشيطان فإنها رأت شيطانا متفق عليه que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit si vous entendez le cri du coq alors demandez à Allah de sa grâce car il a vu un ange et si vous entendez l'âne je ne sais pas si on dit énir comme pour le cheval je ne sais pas si c'est le même mot en tout cas la voix de l'âne alors cherchez refuge auprès d'Allah du shaitan car il a vu un shaitan donc regardez bien un peu le fadl le coq lorsque le coq il pousse son cri c'est qu'il a vu un ange et on voit chez beaucoup de kuffar lorsque le coq il chante ils sont pas contents ça les dérange et ils l'insultent alors que lui il a vu un ange et un ange une créature qui n'a que du bien il n'y a que du bien naam ثم قال حديث جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونحيك الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si jamais vous entendez les aboiements du chien, ainsi que le cri de l'âne, yani, la nuit, alors cherchez refuge auprès d'Allah, car ils ont vu ce que vous n'avez pas vu. Eux, ils voient ce que l'on ne voit pas. Et kadhalik, les animaux entendent les cris de ceux qui s'y buissent et supplient dans la tombe. Nous, nous n'entendons pas, bifardillahi ta'ala. C'est une rahma pour nous, sans qu'on nous soyons effrayés nuit et jour, constamment. Mais eux l'entendent. Mais c'est Adil-Lala qui parle du calbe, du chien et de l'âne, ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qui entendent cela, mais c'est Ahadillah qui confirme la chose. D'accord ? Il confirme la chose. Donc on a un dalil clair par rapport à ça. Mais dans les autres animaux, on dit Allahu A'lam, possible qu'ils entendent également. On n'a pas de preuve. Ni qui le démente, ni qui l'affirme. Thumma qala fi su'al 44 ba'd al-mi'a. 144e question. قال هل الجن يأكلون ويشربون؟ Est-ce que les djinns mangent et boivent? قال نعم. والدليل oui, la réponse c'est que oui, que les djinns ils mangent et boivent également. Et ils sont comme nous, comme les êtres humains, ils doivent boire ce qui est licite et manger ce qui est licite. Et la base dans les choses c'est qu'elles sont licites tant qu'on n'a pas un texte qui l'interdit. À part que la nourriture des djinns diffère de la nôtre comme l'auteur va le citer. والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمره. بها وقال لا تأتني بعظم ولا بروثة وقال هما من طعام الجن رواه البخاري. Qu'il a dit Nabi sallam, il leur ordonne de venir avec des pierres pour qu'ils puissent faire son istijmar, c'est-à-dire s'essuyer les parties après avoir fait ses besoins dans la nature. Cela est permis. Là-bas, c'est l'eau. Mais il est permis d'utiliser également des pierres en nombre impair 3, 5, 7, 9 et ainsi de suite. Et où est-ce qu'il prend la place des pierres? Comme le papier hygiénique, cela est permis également. Bien que l'eau, ce qu'il y a de meilleur. Si tu as le choix entre les deux, prends l'eau. Maintenant, s'il n'y a pas autre chose, ou des gens sont malades, ou autre parmi ceux-là, parmi Rahmatillah, qui prouve que la région est facile, on peut utiliser autre chose. Deux fois, tu peux être dans une situation, tu n'as pas d'eau. Tu n'as pas d'eau pour faire le stinja, pour te nettoyer. Comment tu vas à ce moment-là? Tu as un mouchoir, tu peux l'utiliser. Tu as des pierres à côté de toi, tu peux les utiliser. Wa hamdulillah. Et Shahid ibn Zalik, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne m'apporte pas d'os ni de crottins, car ils sont la nourriture des djinns. Et le hadith rapporté par Bukhari. Quand il y a un hadith d'Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iza akala ahadukum fal yakul bi yamini, wa iza shariba fal yashrab bi yamini, fa inna shaitan yakulu bi shimali wa yashrab bi shimali. » Rawahu Muslim. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous mange, alors qu'il mange par sa main droite. Et s'il boit, qu'il boive par sa main droite. Car shaitan mange et boit de la main gauche. Et nous est atteint de lui ressembler. Donc ce hadith-là dit bien que Shaitan mange. Et Gaza dit lorsqu'on mange, on dit Bismillah. Avant de manger, pourquoi? Sinon, Shaitan, il va manger avec nous. Ce qui prouve qu'il mange également. D'accord? Comment il mange, on ne sait pas. Le Nabi sallallahu alayhi a dit que leur nourriture sont les ossements et les crottins. Maintenant, est-ce que cela empêche qu'ils puissent manger notre nourriture? Il y a d'autres hadiths-là. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi a bien dit que lorsque l'un d'entre nous mange quelque chose, que ça tombe par terre, qu'il le prenne, qu'il souffle dessus, qu'il le mange. Sans quoi, c'est Shaitan qui va le manger. Maintenant, comment cela se passe? C'est invisible pour nous, on ne voit pas. Mais nous, on prend cela. Comme a dit Ta'ala, t'as même, ذَلِكَ كِتَبْ لَا رَيْبَ فِيهِ وَدَنِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Que c'est un guide, un livre, au sujet duquel il n'y a aucun doute, qui est une guidée pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Donc le croyant croit en l'invisible. Maintenant, le comment, on ne peut le concevoir. Mais on le sait. Toutes ces choses-là, comme ce qu'il y a dans le Balzach, dans la tombe, tout ça, quand même, c'est des choses qui ne sont pas concevables, mais on comprend, car on connaît l'essence des mots employés qui nous décrivent la situation. Maintenant, le ressenti en soi, on ne le connaît pas. Le déroulement sous sa réalité, on ne le connaît pas. Et on le connaîtra, de toute façon. On finira par le connaître, inévitablement, quand on va tous mourir. Cependant, à nous de, dès maintenant de faire les causes pour être parmi ceux qui verront la réalité sous son bonjour. Ne pas être parmi ceux qui subiront les supplices, mais d'être parmi ceux qui subiront les délices. Et cela ne peut arriver qu'avec, en premier lieu, le tawfiq d'Allah Azzawajal qui nous l'a accordé en étant sincère, en appliquant. D'accord ? Et en évitant autant que possible les interdits. Et en demandant pardon pour nos péchés. وهكذا وصلى الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.